Dossier 5. Leçon 2. Activité 7. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. En qualité de président, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux à notre forum annuel des associations. Dans un quart d'heure environ, vous pourrez assister à une démonstration d'escrime présentée par l'association Au fil de l'épée. Mais je laisse la parole à M. Barsac, qui s'occupe de cette association et qui va vous en parler mieux que moi. Oui, bonjour à tous. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler que notre association compte déjà plus de 160 inscrits. L'escrime est une discipline sportive accessible aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes aussi, bien sûr. Les cours vont reprendre le 15 octobre au stade municipal dans la salle du premier étage. Vous pouvez vous inscrire ou vous réinscrire dès maintenant. Et l'inscription est possible aussi en cours d'année scolaire, vous m'avez dit, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'association prête le matériel et la tenue aux débutants la première année. Alors, comme M. Laurent vient de vous l'annoncer, vous allez voir dans quelques minutes une démonstration d'escrime faite par des jeunes qui n'ont que quelques mois de pratique. Vous vous rendrez compte que l'apprentissage de l'escrime est très rapide. En réalité, quelques séances suffisent pour se prendre au jeu. Merci de m'avoir écouté et en garde !